Ce conflit lui est tellement insupportable. Pourquoi ne s'arrête-t-il pas? S'il s'arrête, il reconnaît implicitement qu'il a eu tort d'aller jusque-là. En continuant, il justifie tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. La bête de l'événement est là. La grande chance, c'est que les gens ne lisent que très peu les médias. Ils regardent les titres et les couvertures. J'ai pas écouté son programme. Je ne le connais pas. Et j'ai confiance en lui. Je m'en suis toujours remis au destin. Vous pouvez voter pour un candidat sans connaître le programme. Oui, pour lui, oui. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Il faut être disponible pour le destin. Je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié. Je crois que votre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Bleu, blanc, rouge. Liberté, égalité, fraternité. Exceptionnel, qui a un talent exceptionnel et qui représente une chance pour la France. C'est formidable qu'il soit président. Vous n'allez pas voter? Bah si, je vais aller. Si on me dit qu'il faut y aller, il faut que j'aille. Non mais, si non, mais moi j'ai ma mère qui me dit c'est le moment d'aller voter. Donc là j'y vais, je prends la carte et j'y vais. Oui mais vous allez, si vous connaissez personne, votez pour qui? Bah on me l'explique en 2-2 avant. Quoi, en 2-2? Genre on vous dit quoi? Bah lui fait ça, lui fait ça, lui fait ça et voilà. Et vous allez voter pour celui qui fait quoi, vous savez pas? Bah je sais pas, je suis un petit peu les gens. D'accord, très bien, et bah voilà. Je vous aime farouchement, mes amis. Une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Vous avez fait le choix d'un projet humaniste. Ça m'a plutôt amusé ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Contrairement à celles et ceux qui ont pensé railler à cette fin de meeting que par ce biais-là, ils l'ont propagé. Je suis plus candidat d'un camp. Il y a quelque chose du théâtre dans la vie réciproquement. On n'est pas avec les autres dans la même position qu'on est lorsqu'on est face à soi-même. Mais le président de toutes et tous. On adapte à la personne avec qui l'on est ce qu'on est en train de dire. On cherche à éveiller tel ou tel intérêt ou telle réaction chez elle. Je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques. Il entame ensuite un bain de foule, serre des mains, quand soudain, un homme tente de le gifler et le touche au visage. Bonjour Manuel, salut Manu. Salut. Moi je pense que la claque, en fait, on est 66 millions à vouloir se la mettre. C'était juste trop bon, sans déconner. Il a été parfait le bonhomme. C'était juste génial. Alors, ça, cet appel à la violence, c'est non. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. C'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'interdépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et qui est fait autour de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Je suis dans cet état d'esprit-là. Prêt à me battre. Accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. Notre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter. Toute notre vie est un problème. C'est un grand honneur. Et c'est une grande responsabilité. C'est à vous tous que je m'adresse. Notre temps est venu et notre volonté est en marche. On n'a pas besoin de chercher des problèmes. C'est eux qui vous trouvent, hein. Toute notre vie est un problème. Et qui est la faute, tu crois? Je sais la colère, l'anxiété, les doutes. Il est de ma responsabilité de les entendre. En protégeant les plus fragiles, je vais, avec dévouement, servir en votre nom. La moralisation de notre vie publique, la reconnaissance du pluralisme, la vitalité démocratique seront le socle de mon action. Le pays est au bord de la crise de nerfs. C'est des gens qui sont désespérés. C'est des gens qui sont en colère. Et donc ils ne croient plus en rien. Donc ils ne croient plus en moi. Toute notre vie est un problème. Ce sont des choix politiques qui servent des intérêts politiques comme on l'a vu. On a un problème démocratique profond qui se pose actuellement, si vous voulez, qui transcende la seule question du droit, mais qui est de la science politique. C'est que nous avons un gouvernement dans lequel plus personne de normalement constitué n'a confiance. Ma responsabilité sera d'apaiser les peurs. Le temps, il est à s'unir, à multiplier les solidarités, à multiplier les innovations et à se tenir les coudes pour terrasser ce virus. Toi, tu cherches tes problèmes. On n'a pas besoin de chercher les problèmes. Toute notre vie est un problème. Pour l'intérêt démocratique de la France, on est là complètement à côté de la plaque. Il y a un conseil qui est là, qui donne un avis scientifique. Et après, il y a des dirigeants qui sont démocratiquement élus, qui prennent des décisions pour la vie du pays. On est éclairé, de manière transparente, et vous avez l'information en même temps que nous. Et ensuite, nous avons des décisions à prendre. Toute notre vie est en train. Je me battrai contre la division qui nous mine et nous abat. Hasard des choses, incroyable. Le masque porte en lui une responsabilité individuelle. Ça veut dire que c'est la faute aux gens si l'épidémie continue, parce que ce sont les gens qui ne portent pas le masque. Ça veut dire quoi? Que parce que soi-même on se sent invincible et qu'on n'a pas besoin de masque, on va aller contaminer les autres? Non, j'appelle à l'esprit de responsabilité. Ça, bah, c'est un discours que le gouvernement aime bien. Parce que s'il devait prendre le problème dans un autre bout, en disant par exemple il faut renforcer le système de l'hôpital, bah, on se poserait la question de pourquoi est-ce qu'il est à terre. Bah, parce qu'il y a des politiques libérales qui ont été menées par ce propre gouvernement. Il y a le politique, mais de l'autre côté, tu as le médiatique. Et le médiatique, lui, il aime bien le masque pour une autre raison. C'est parce qu'avec, tu peux faire de superbes histoires. Dieu, il entend les voix, il est dans la transcendance, il est dans l'idée du destin, il pense qu'il vient de quelque part pour être là. Est-ce que ça veut dire que Macron est mystique? Ah oui, Macron est mystique, oui. Je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité? Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe. Transcendance. Quelque chose qui dépasse. Vous dépasse. Vous a précédé et qui restera. Il n'y a pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. Cette menace, elle fera partie du quotidien des prochaines années. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. Faut pas avoir peur d'aller aux élections, c'est un très beau moment démocratique. Donc, il faut, dans le pays des Lumières et de Pasteur, qu'on arrête d'avoir des espèces de débats permanents sur les faits ou la vérité scientifique. La provocation assumée d'Emmanuel Macron. Macron en roue libre. Emmanuel Macron persiste et signe. Ça marche, on marche. Travail, liberté, égalité, ouverture, fraternité. Cette transparence rend vain tout esprit polémique. Il faut s'en réjouir. L'épidémie gagne du terrain. Tous les indicateurs le disent. Nous sommes depuis quelques semaines dans une phase incontestable de recrudescence de l'épidémie. Il ne faut pas ne pas aller voter parce qu'on a peur du coronavirus. Mais ce qu'on appelle le taux de reproduction du virus, le fameux R, un virus qui circule donc plus activement sur l'ensemble du territoire. La polémique n'a pas sa place. Ne pas céder aux sirènes de la polémique. Il pourrait être facile de mobiliser notre énergie sur la recherche de responsabilité. Systématiquement, principe de transparence et d'information en direction du grand public. Ce qui m'étonne, c'est la peau qu'ils ont à dire une chose et son contraire en quelques jours. Le temps n'est pas aujourd'hui à assigner les responsabilités. De mon point de vue, ils sont répréhensibles. Les problèmes de communication, mais c'est le dernier de mes problèmes. Mais si il aurait fallu arrêter de communiquer et agir. Une crise, ça se communique pas. On agit. C'est ça le problème. C'est qu'on n'a pas arrêté de communiquer dans cette crise. Et on n'a rien fait. Non mais est-ce que c'est le moment de rajouter ça dans l'ambiance actuelle? J'ai pas le droit de venir dire que effectivement on peut pas avoir confiance dans des gens qui nous mentent. Et à partir du moment où on commence à se demander si c'est le bon moment d'exercer un droit, ça finit toujours mal. Il y a des gens, tout seuls, des gens qui n'ont pas votre niveau d'éducation, qui ne peuvent pas comprendre. Expliquez-moi que donc ils ne peuvent pas comprendre. Il y a des terminologies. Non mais qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas comprendre? Pour garder un minimum de confiance, non. Pour être unis, non. Et pour rester unis. Non. Diviser non, pour régner n'a jamais non. été une solution. Non. Jamais. La confiance, c'est fini. La confiance, madame, je dis à mes enfants qu'elle se mérite. La confiance dans ce gouvernement, non. On ne peut pas dire qu'on n'a plus confiance non. en rien. Non. Mais c'est la fin. Depuis le début, on nous ment et vous me parlez de confiance. Il faut donner l'espoir aux gens. Faut pas leur dire vous êtes gouverné par des menteurs qui vous disent que des conneries et tout est faux. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Mais pourquoi je peux pas dire ça? Vous dites aux gens de croire en quoi alors? On a besoin de croire en quelque chose. Mais croyez en Dieu si vous voulez, mais c'est pas un problème de foi. Je ne crois en rien, moi. Il faut croire. J'ai été surpris par vos propos. Vous n'avez pas employé un mot qui serait simple et compris par tout le monde, dire la vérité. Vous parlez de défaut d'acculturation scientifique de la population. Est-ce que c'est pas la marque quand on dit que effectivement la population n'a plus confiance, elle a une défiance par rapport aux autorités? Est-ce que c'est pas la marque de la défiance des autorités par rapport à la population? Si on continue à se mobiliser, il craquera sur les restes des revendications. Donc si vraiment il a du respect pour le peuple, vraiment pas nous entendre, qu'ils partent et ça sera notre revendication principale. Nous on est mobilisés et on restera là, quoi qu'il en soit, des semaines et des mois s'il le faut. Je crois qu'il faut avec beaucoup d'humilité savoir écouter, savoir constater ce qu'on a mal fait, savoir changer de méthode mais entendre. Je crois l'intuition, le message profond. Les citoyens veulent plus de sens, plus de proximité et plus d'humanité. Nous avons peut-être parfois construit des bonnes réponses trop loin de nos concitoyens, en considérant qu'il y avait des sachants avez évidemment raison. Dire la vérité sur ce qu'on sait et sur ce qu'on ne sait pas en temps de crise est primordial. Et je crois que c'est ce à quoi nous nous sommes collectivement attachés dans les études. Et j'en suis certaine. Par rapport au masque ? Par rapport au masque, bien sûr. Par rapport au masque, bien sûr. Nous avons dit... Après la pandémie de grippe H1N1 en 2009, nous étions l'un des pays les mieux dotés au monde en nombre de masques. Les masques, on en a 1 milliard comme ceci, 700 millions de ceux-là. Début 2020, les masques sont devenus une denrée rare. Nous avons des dizaines de millions de masques en stock. En cas d'épidémie, si un jour nous devions proposer à telle ou telle population ou personne à risque de porter des masques, les autorités sanitaires distribueraient ces masques aux personnes qui en auront besoin. Dès le début, on a manqué le test. Dès le début, on a manqué de masques. Dès le début, on a manqué de solutés hydroalcooliques. Peut-être qu'on aura des masques FFP2 pour la prochaine pandémie. Il y a une pharmacie de Clamart qui a bouché 50 masques FFP2 à se répartir entre 10 professionnels de santé. Et je pense que vraiment le foutage de gueule continue. Non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Le ministère, nous en avons parlé d'ailleurs ce matin même encore au Conseil de défense. Ces masques sont en cours de livraison. Chadi, est-ce qu'au moins vous avez des masques maintenant ? Ah non. Tous les jours, vous nous dites, vous allez avoir des nouveaux masques. On en a un par jour, ce qui est absolument intolérable. Au lieu de réquisitionner les faibles stocks de masques pour éviter la pénurie, elle a préféré mentir sur leur utilité face au Covid-19 afin de dissuader les gens d'en acheter. Non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Et vous savez quoi ? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, bah en fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Alors d'abord, est-ce que vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants ? Ah non, pas du tout. Non, mais vous rigolez, pas de panique à avoir. Précipité pas. Dans les pharmacies, cela ne sert à rien et contribue au désordre aussi. Porter un masque en population générale, ce sont des masques qui sont uniquement utiles l'usage des masques. Soi-même malade. Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Il ne faut pas mettre de masque, il ne faut pas porter de gants, il n'y a pas de sens à porter ce masque totalement inutile. À ce stade, la situation est parfaitement sous contrôle. En fait, ça ne sert à rien. Les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public. Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Regarde la carte qui a été présentée aujourd'hui. On nous présente une carte et on nous dit qu'il y a désormais 21 départements en alerte. Ce qui est bon, on était sur une carte entièrement vierge, il n'y avait plus d'alerte, maintenant il y a 21 départements en alerte. Sauf que, on a oublié de nous dire que les indicateurs n'étaient plus du tout les mêmes. Et c'est là qu'on peut s'interroger sur la démarche. Aujourd'hui, sans rien dire, on nous indique que 21 départements sont passés dans le rouge, sauf que l'échelle a complètement changé. Beaucoup, beaucoup d'Italiens avec des masques de protection, c'est le béaba de la protection. Comme en Chine, on met des masques, en France, on nous dit toujours que c'est inutile. Peut-être parce qu'on n'en a pas. Six membres du conseil scientifique ont signé un papier dans The Lancet pour dire qu'il fallait arrêter le bâton, il fallait désormais avoir des mesures plus démocratique, moins vertical, moins technocratique, et à la fin, on a au contraire des mesures qui sont plus autoritaires. Vous savez combien de masques ont été livrés ? Quand ça a été livré ? Dans les 12 jours ? 18 masques. 18. 18 par quoi ? Par semaine ? 18 par... Non, par 18 par personne. Par personne, c'est même pas par semaine. 18 par personne. Vous savez combien de temps on tient 18 masques ? Allez, 4 jours. frappé. On ne dit pas, on dit pas, voilà. Si, si, si, on dit c'est pas. C'est l'expression. Que... Non, c'est l'expression, mais enfin, pardonnez-moi, mais c'est un menteur invétéré. Franchement, quand je vois le nombre de cas qui sont annoncés à la télé, c'est du foutage de gueule. Je peux vous jurer que si là, aujourd'hui, on teste mes patients, on teste le personnel qui travaille, je suis presque persuadée que plus de la moitié seront positifs. Ben oui, bien sûr, je bien travaille sûr. Avec des masques. FFP2, je suis de nuit. Pendant 10 heures, je travaille en médecine avec des gens qui me crachent, qui me toussent dessus. Mes masques sont périmés. Périmés. Vous m'entendez, périmés. Je viens de recevoir votre masque FFP2 qui, normalement, date de Madame Bachelot. Des temps de la grippe, vous pouvez constater, ils sont moisis. Nous avons reçu il y a deux jours les masques FFP2 qu'on attendait. Ils sont périmés de 2001. Les soignants ne peuvent pas se protéger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais un soignant est touché, si jamais un patient a la maladie, automatiquement, un soignant va l'attraper et ça va se transmettre de chambre en chambre. Ça va être véritablement une hécatombe de personnes âgées. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Là, vraiment, j'ai honte de cette administration. Mais on est en démocratie. Moi, j'ai été élu par le peuple. Au moment où je vous parle, le ministère de l'Intérieur vient d'acquérir 900 000 masques supplémentaires dont ils seront dotés pour se protéger dans le cadre de ces contrôles. Des consignes ont été données aux policiers pour qu'ils retirent leurs masques afin de ne pas faire de jaloux parmi les effectifs moins bien dotés. Et aussi pour ne pas inquiéter la population qui pourrait se demander pourquoi elle n'est pas équipée. Chaque fois qu'ils contrôlent des individus qui peuvent leur sembler symptomatiques, c'est-à-dire porteurs du Covid-19, nous leur demandons de revêtir le masque, mais uniquement à ce moment-là. Tout ce qu'ils font, c'est de la merde. Tout ce qu'ils font, c'est de la merde. Et puis ensuite, on nous a dit, vous n'avez qu'à mettre un par-dessus l'autre. Ensuite, on nous a dit, vous en mettez un et vous en mettez un au patient. Et pour finir, on a reçu une circulaire émanant du ministère de la Santé nous disant qu'il fallait porter un masque FFP2 comme nous le réclamions toute la journée. Pour les personnes qui circulent non contaminées, il n'y a pas de sens à porter ce masque lors des déplacements autorisés. C'est vraiment parce que vous en manquez. Non, on va prioriser d'avoir les soignants. C'est vraiment important de le dire, ça n'a aucun sens pour le grand public. Quand même, quand vous êtes capable effectivement de dire tout et son contraire, à quelques jours d'intervalle, à venir expliquer qu'un chirurgical non FFP2, que le masque est inutile aux populations, mais que finalement après vous le rendez obligatoire, que l'épidémie circule activement, mais que néanmoins on allège les protocoles sanitaires à l'école. Comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent? Sciemment, cet homme a menti. Il va falloir qu'il s'explique. Être gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, censuré, commandé par des êtres qui n'ont ni titre, ni la science, ni la vertu. Être gouverné, c'est d'être à chaque transaction, à chaque mouvement, noté, enregistré, recensé, tarifé, timbré, toisé, coté, cotisé, patenté, licencié, autorisé, admonesté, empêché, réformé, redressé, corrigé. C'est sous prétexte d'utilité publique et au nom de l'intérêt général, être mis à contribution, exercé, rançonné, exploité, monopolisé, concussionné, pressuré, mystifié, volé. Puis, à la moindre réclamation, au premier mot de plainte, réprimé, amendé, vilipendé, vexé, traqué, houspillé, assommé, désarmé, garrotté, emprisonné, fusillé, mitraillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié, vendu, trahi et pour comble, joué, berné, outragé, déshonoré. Voilà le gouvernement, voilà sa justice, voilà sa morale. J'invite tous les Français à limiter leurs déplacements au strict nécessaire. Le gouvernement annoncera par ailleurs des mesures pour limiter au maximum les rassemblements. Emmanuel Macron en allemand dans le texte, mais compréhensible par tous. J'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales. Je ne suis pas arrogant, proclame le chef de l'État à la une du Spiegel. Il considère que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. Avec cette précision, je dis et je fais ce que je veux. Le monde médical, la décision de maintenir ce premier tour est incompréhensible sur le plan sanitaire. C'est une communication très maîtrisée, mais une scientifique avait dit à Emmanuel Macron, mais quel problème pour dimanche? De quel conseil scientifique on parle? C'est dangereux aujourd'hui d'aller dans les parcs, dans les jardins et de se retrouver entre amis. C'est dangereux. C'est là que le virus se transmet. Il ne se transmet pas quand on est un mètre les uns derrière les autres, qu'on se lave les mains, qu'on reste 5 minutes dans un bureau de vote et qu'on rentre chez soi. Avec cette circulaire, les candidats des villes de moins de 9000 habitants ne se verront tout simplement pas attribuer de nuances politiques par les préfectures. Les mairies de moins de 9000 habitants, ce sont 96% des communes françaises. Et plus d'un électeur sur deux, dont le vote ne comptera pas dans la moyenne nationale cette année. En d'autres termes, le soir des résultats, quand les analystes voudront tirer du scrutin des leçons de politique nationale, ils ne pourront le faire que sur la base des résultats enregistrés dans les grandes villes. Tous les habitants des grandes villes ont un comportement électoral très différent de ceux des villes petites et moyennes, foyers du mouvement des Gilets jaunes. Et dans l'ensemble, bien plus critique de la politique du gouvernement. Éduquer un enfant, c'est lui enfoncer très tôt l'aiguillon de l'ordre. On lui enfonce la logique de gouvernement, c'est-à-dire obéissance et commandement, on la lui met dans la chair. Après, c'est indélébile. Nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi. Non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. J'ai conscience que ce vote mobilise. Le président a arpenté les Champs-Élysées. Je me promène. J'ai le droit de me promener. J'invite tous les Français à limiter leurs déplacements. Le fondement de la démocratie, c'est l'anarchie. Pas de maîtrise, pas de supériorité d'un citoyen sur l'autre. Il n'y a à ce jour pas suffisamment de prise de conscience par les Françaises et les Français de l'importance de leur rôle face au virus. La démocratie va devenir le troupeau ingouvernable que seule l'oligarchie peut. Voilà, donc le poison est déjà là. L'anarchie se transforme en poison, la démocratie se transforme en poison. Au fond, si on pousse trop loin cette idée d'égalité radicale entre les citoyens, on va avoir quelque chose comme de l'ingouvernable. Qu'est-ce que c'est l'ingouvernable? L'ingouvernable, c'est ce qui s'oppose au gouvernement. La révolte, la sédition, la résistance passe nécessairement par la violence. Céderait à rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Ce n'est pas un pays qui se réforme. Notre pays ne se réforme pas. Parce que nos concitoyens, parce que vous, aussi longtemps qu'il est possible de ne pas faire les réformes indiquées par les livres ou les procédures, on se cadre, on résiste. Le droit de grève, c'est un droit constitutionnel. Bien plus que le blocage, c'est le moment où l'ensemble des travailleurs relèvent la tête et que tout est possible. C'est le moment où parfois les travailleurs se réapproprient leur usine. Il n'y a pas de discussion, slogan classique, unique des Gilets jaunes. On est là. Pure présence. Pure présence. On est là. C'est pour moi la question de la vérité. La vérité, elle ne peut dire que je suis là, c'est tout. Le problème, c'est comment faire entendre cette chose aussi simple. Je suis pour la négociation, jamais pour le blocage. Je suis pour le dialogue social. Je suis pour le respect de tous nos droits constitutionnels. Ouvrez vos oreilles, car je vais vous dire ce que j'ai à vous dire de la mort des peuples. L'État, c'est ainsi que s'appelle le plus froid des monstres froids. Et il ment froidement. Et le mensonge que voici sort de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. C'est un mensonge, c'est un mensonge. Là où le peuple existe encore, il ne comprend pas l'État, et il le hait, comme un mauvais œil et comme un péché contre les coutumes et les droits. L'État ment dans tous les idiomes du bien et du mal. Regardez donc comme il les attire, c'est trop nombreux, comme il les ingurgite, et mâche, et remâche, et remâche, et remâche, et remâche. À se chauffer au soleil des bonnes consciences, ce monstre froid.